Chapitre 10e, les manœuvres de l'avocat. Ah, le capitaine était soumis à une cruelle épreuve. Il allait être obligé de vivre ainsi tous les jours à côté de la femme qu'il adorait, dont il était aimé, et cette femme devait être, elle l'avait bien précisé, sa fidèle et chaste aimée. À l'avocat, son ami Jacques, le lendemain de cette entente, de ce duo inamouré qu'il avait chanté avec Madeleine dans le bois, racontait le fait, tout en se plaignant du sort. « Je ne vous trouve pas si malheureux que cela, » fit en riant maître Thirion. « Je voudrais bien vous voir à ma place, » s'écria Jacques, « mais même Tantale ne tiendrait pas à changer avec moi. Allons, allons, tout va s'arranger, mon cher. Ah, mon ami, parlons sérieusement. Mais je ne ris pas. Ah, ces amoureux, ils ne voient jamais les choses comme elles sont. Cependant, laissez-moi un peu débrouiller tout ça. Je suis le conseil de Madeleine. Elle doit m'écouter, et vous m'écouterez aussi. « Parlez, » dit Jacques à l'avocat. Madeleine refuse de devenir votre femme pour deux raisons. La première est que Paulette est vivante. La seconde, que le père de son enfant peut réclamer sa fille. Parfaitement. Bon, je pourrais vous démontrer que tout cela ne tient pas debout, et que rien ne force Madeleine à épouser le comte de Saint-Rion parce qu'il est le père de son enfant. Mais faisons plus simplement, et prenons les faits en eux-mêmes. Paulette est-elle vivante? Cela se peut. Comme il se peut aussi qu'elle soit morte. D'accord. Si elle est morte, ce que je ne souhaite pas, vous pourriez aussitôt épouser Madeleine, tout de suite. Mais pour cela, il faudra fournir à la mère les preuves irrécusables du décès de son enfant. Comme ce sera aussi difficile, sinon plus, que de retrouver l'enfant vivante, il vaut mieux retrouver Paulette, naturellement. Dans ce cas, le père se présenterait. Ici, ce serait plus gai. Le comte de Saint-Rion, marié à l'anglaise, ne l'oubliez pas, a reconnu l'enfant de Madeleine. Oui. Mais c'est à nous, entendez-vous, à voir si nous pourrons reconnaître le comte de Saint-Rion, comment cela. D'abord, admettons que celui qui s'appelle le comte de Saint-Rion aujourd'hui soit vraiment l'Armand d'autrefois. Cela ne nous empêchera pas de le faire déclarer indigne et de lui enlever la tutelle paternelle. Mais alors, attendez, ne bousculez rien. La justice va lentement, mais elle a bon pied, bon œil, quand elle veut. Depuis que le comte a joué les revenants au Ravenel, j'ai recueilli sur lui des notes, des documents. Ce n'est pas le vrai comte. Attendez. Malheureusement, les preuves, les alibis qu'il a fournis ont été reconnus parfaitement exacts et vérifiés. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais c'est un comte absolument différent de celui qu'on a connu avant le crime. On peut dire que le comte a été tué au calvaire et que c'est un autre que nous connaissons. C'est ce que proclame Madeleine. Armand, le père de Paulette, était, mon cher ami, laissez-moi vous le dire, sans vous causer de peine, un homme absolument charmant, un travailleur, un savant, un garçon de cœur. Oui. Celui-ci ne donne même pas l'illusion de tout cela. C'est un dévoyé, un viveur, un joueur, une canaille. Vous me direz que le malheur qui l'a frappé si terriblement lui a dérangé l'esprit. Il faut l'admettre. Moi, je demeure sceptique. Vous ne croyez pas que ce soit Armand? De vous à moi, non et non. L'avocat ajouta. Autre chose. Admettons encore, au pis-aller, que nous ne puissions démasquer cet homme. Que nous soyons forcés de le regarder toujours comme le vrai comte de Saint-Rion. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Et pourquoi Madeleine se croirait-elle tenue de redevenir la femme de ce chenapan? Pourquoi veut-il, lui, faire légaliser son mariage avec Madeleine? Parce qu'elle est riche. Pourquoi veut-il retrouver Paulette? Parce qu'elle est l'héritière de cette excellente Madame Berton, sa marraine, qui lui a laissé quelques millions. L'avocat s'interrompit. Mon cher, je vous parle de millions, sachant que cela vous est égal. Que l'argent n'entre pas en ligne de compte dans votre amour. Je puis donc bien parler de cela. Je continue. Il reprit. Le comte espère donc épouser Madeleine pour toucher sa dot, car ce misérable a déjà dit à maître Grimois, le notaire de Madeleine, la forme du contrat de mariage qu'il désirait, et sous quel régime il entend être uni avec cette femme exquise, sous le régime de la communauté. Rien que cela. Il mettrait en commun ses dettes, ses créanciers, son escroquerie, sa passion du jeu, avec le charme, la douceur, la beauté et les millions de Madeleine. L'avocat s'écria en riant. « Savez-vous sous quel régime j'établirai moi le comte de Saint-Rion? Sous le régime cellulaire, à la mairie de Nouméa !» Puis allumant une cigarette, il reprit. Le comte, marié sous le régime de la communauté avec cette exquise Madeleine, espère qu'on finira bien, tôt ou tard, par dénicher Paulette. Au besoin même, il trouverait moyen de fabriquer une Paulette comme il a fabriqué un comte, son père. Oh, le misérable! C'est le mot, c'est le titre qui lui convient. le misérable. Et pourquoi veut-il, après avoir épousé la dot de Madeleine, trouver, fabriquer, montrer enfin une Paulette? Par amour paternel, croyez-vous? Non. Uniquement parce qu'il aurait la tutelle de l'enfant, de ses biens, la gérance des millions que lui a laissée l'excellente Madame Berton. La fortune de Paulette irait retrouver la dot de sa mère. Cet homme est un forban. Heureusement, s'écria Maître Thirion. Comment heureusement? Demanda le capitaine surpris. Oui. Admettons que nous retrouvions Paulette. Il la courra, il volera ici, aussi aisément qu'il vole au cercle et ailleurs, ce zigomar-là. Et il se targuera de sa paternité. Alors il aura affaire à moi, à vous, parfaitement. Je suis le conseil de Madeleine, ne l'oublions pas. En quelque sorte, son tuteur, c'est moi qui, par conséquent, préparerai son contrat de mariage, s'il veut faire légaliser son union anglaise. Je vous donne ma parole qu'il sera bien fait, et que mon citoyen n'aura rien. Rien de la dot de Madeleine. Mais l'héritage de Paulette lui restera. Et j'en reste aussi moi pour le lui enlever. Il plaidera. Lui, pas si bête. C'est moi qui plaiderai pour Madeleine, pour Paulette. Or, j'ai déjà trop bien arrangé le comte aux assises à Versailles. Je lui ai trop fait sentir mon sentiment à son égard pour qu'il veuille courir le risque de m'entendre plaider cette fois contre lui directement. Il s'arrangera autrement. Bon. Mais moi, je lui réserve encore un coup de ma façon auquel il ne s'attend pas. Un malin, honnête homme et demi, que diable. Si nous trompons Paulette et qu'il vienne jouer la comédie de la paternité, comme il a joué la comédie du désespoir d'amour, je lui casse le nez tout de suite. En quoi faisons, cher ami? Paulette aura 14 ans, 15, peut-être 16, quand nous la retrouverons, environ. Bien, je fais émanciper Paulette. Émanciper, oui. J'obtiens un jugement la déclarant majeure au point de vue juridique, légal, rien de plus simple. Et une fois émancipée, Paulette me choisit, moi, comme conseil administrateur de ses biens. Le tour est joué. Le comte n'a rien, pas un sou, ni dot, ni héritage de sa fille. Et ce campant devant Jacques, hein? Que dites-vous de cela? Est-ce bien manœuvré pour un avocat? Vous êtes admirable. Je vous ai dit que je ferai votre bonheur et celui de l'admirable femme, qui est pour moi une amie exquise, une sœur affectueuse, que j'aime autant qu'il m'a permis, après vous. Puis il ajouta. Au pis-aller, pour la troisième fois, pour nous débarrasser à jamais de ce triste sire, on lui jetterait un os à ronger, assurément. Et puis enfin, s'il n'est pas content, vous êtes là, sacré tonnerre, et je suis là aussi, pour lui dire qu'il est un misérable, un chenapan, et lui envoyer une balle dans la peau ou un coup d'épée dans la carcasse. Au fond, ce serait par là que nous devrions commencer. Ça simplifierait bien des choses, comme m'a dit un jour le président. Oui, pensait Jacques, un bon coup d'épée. Ainsi Jacques Dalmet pensait à se battre avec le comte, à le tuer, à débarrasser Madeleine de cet homme, de ce cauchemar vivant. De son côté, le comte, bien souvent, en pensant à Jacques Dalmet, se demandait comment il pourrait se débarrasser de lui. Le comte Zigomar alla jusqu'à songer à prendre le bateau, à se rendre aux environs du poste où se trouvait Jacques Dalmet. Là, il parviendrait facilement à dénicher quelques bandits indigènes, qui consentirait à s'embusquer dans la brousse et à tirer sur l'officier français. Mais l'Asie est loin, et le comte risquait trop grosse partie. Il préférait attendre en Europe que son rival, celui qui, il le sentait, lui enlevait Madeleine, vint se livrer à lui. Zigomar se savait d'une adresse merveilleuse au pistolet et à l'épée. Le comte de Saint-Rion Zigomar était sûr de placer la balle dans la tête du capitaine, l'épée dans sa poitrine, de le tuer net. Au besoin, il l'aurait fait provoquer et exécuter par un des affiliés, par un des aides de la bande. C'était facile. D'un autre côté, sachant l'affection de Madeleine pour Jacques, il se doutait que faire tuer Jacques en duel lui aliénerait plus encore l'esprit de Madeleine et ferait prendre à la jeune femme une décision irréductible contre lui. Cynique d'infamie, Zigomar s'écria en ricanant « Je ne peux pourtant pas lui tuer tous ceux qu'elle aime ». Il agit donc prudemment, se tint quoi, et ne pouvant provoquer Jacques, ne donna pas non plus au capitaine l'occasion de l'amener sur le terrain. Il espérait prendre sa revanche quand on retrouverait enfin Paulette. « Alors, se dit-il, alors je serai maître. Madeleine, Paulette, seront à moi, malgré tout, malgré tous. Allons, mes seigneurs, rira bien qui rira le dernier. » Rire bien et rire le dernier, ce n'est pas, tout comme le croyait Zigomar. L'important est de n'avoir pas le rire amer, le rire jaune.